voici bien mon étoile sur cette piste en pointillé. J'ai bien gagné à qui perd gagne, j'ai tiré le bon numéro. Février, le mois des tempêtes, m'a donné le plus beau cadeau. Mardi gras gris, mais pour la fête, une petite sœur ou un frérot. Et ce fut toi, la magicienne, qui m'a bercé dans ton berceau. Toi, petit mousse, moi, capitaine, moi, le scorpion, toi, le Verseau. Joli roulis sur la grand voile, cela va changer notre vie. Le ventre rond de notre mère m'envoyait déjà au tapis. Je ne serai plus seul au monde, dans le cocon de leur grand lit. Je sens déjà que je t'invente une petite place au paradis. Et ce fut toi, la magicienne, qui m'a bercé dans ton berceau. Toi, petit mousse, moi, capitaine, moi, le scorpion, toi, le Verseau. Bientôt nos jeux dans le jardin, les petits secrets, rien qu'entre nous. Je te ferai dire la ritournelle d'un grand soleil en plein mois d'août. Sur le pavé d'une marelle, un jour tu ris, un jour tu pleures. Quand de ton pied, c'est toi qui pousse le petit palais de l'amour. Et ce fut toi, la magicienne, qui m'a bercé dans ton berceau. Toi, petit mousse, moi, capitaine, moi, le scorpion, toi, le Verseau. Et ce fut toi, la magicienne, qui m'a bercé dans ton berceau. Toi, petit mousse, moi, capitaine, moi, le scorpion, toi, le Verseau.